Je ne saurai jamais parler aux femmes quand il s'agit de leur faire la cour. Je ne trouve jamais les discours qui émeuvent leur chair et chavirent leur âme. Je ne saurai jamais parler aux femmes. Chaque mot que je dis tourne court, et à l'ange qui passe, j'ai envie de crier au secours. Vous savez, vous me plaisez beaucoup. Faites voir votre main, voulez-vous? Votre ligne de cœur est vraiment exceptionnelle. Je ne peux pas sortir ces trucs-là, et pourtant c'est comme ça, il faut dire ces boniments avec elle. Mon copain Vivi sait parler aux femmes. Très gentiment, il me donne des cours. Il devient Catherine ou Marianne. Je lui dis qu'il est belle, mais le cœur n'y est pas. Je ne sais pas, je ne saurai jamais parler aux femmes. Mais les femmes sont émues par ce drame, et parfois elles aiment consoler mon cœur lourd. Et je suis très heureux.